sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hinter Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission Trihan Now à Trihugen. C'est ça, Henri? Voilà. 369. C'est parfait. Et alors aujourd'hui, je suis retombé un peu dans les mots courts. C'est Na. Na qui se répète deux fois, enfin qui se répète une fois en fait. Un Na et Na, comme ça correspond au français Nini. D'accord. Et j'ai pensé à ça parce que j'étais en train de... Un souvenir m'est revenu, c'était... enfin, pas un souvenir personnel, puisque ça se passait en 1930, et que je n'étais qu'à l'état de projet à cette époque-là. Mais c'était ma mère était à l'école à Pommerite à cette époque-là, et donc il y avait les élections en 1930, les législatives. Donc, à cette époque-là, Pommerite était dans la circonscription de Guingamp. Après, Pommerite a été transférée à Loudéac, et puis on est revenu à Guingamp maintenant. À Loudéac? Oui, on a été pendant un moment à Loudéac, oui. Mais c'est super loin, Loudéac. Ah, oui, oui, c'était, les découpages électoraux, c'est souvent, c'est fait en général pour favoriser un côté politique. Donc, c'est bizarre. Donc non, en fait, on est revenu à Guingamp, ce qui est plus logique. Hein. Voilà. Alors, à cette époque-là, c'était donc Guingamp. Et il y avait un candidat qui s'appelait Goulven Mazéas, qui était guingampais, bien connu à Guingamp. Et donc, dont le slogan, c'était « Mazéas n'a rue n'a glace ». Mazéas n'a rue n'a glace, et alors c'est-à-dire Mazéas ni rouge ni bleu, parce que glace à l'époque c'était bleu, hein. Maintenant on parle des verts, mais glace c'est-à-dire c'était le centre droit, quoi. Voilà, alors c'était une variante un peu de Narunagwen, hein, qui il y a eu aussi ni rouge ni blanc, hein, et là c'était ni rouge ni bleu. Mazéas n'a rue n'a glace. Alors il était venu à Pommerite en campagne électorale et les enfants de l'école scandaient Mazéas n'a rue n'a glace, hein, pour avoir des bonbons bien sûr. Et alors il y avait un autre candidat, c'était Lotte, et son slogan c'était vive Lotte, à bas la calotte. et alors c'était pareil, les enfants quand il était venu au bourg scandaient ça, et puis pour avoir des bonbons bien sûr, quoi. Voilà, Mazéas n'a rue n'a glace. Alors cette expression, ça correspond au français ni ni, mais c'est plus accentué, hein, c'est plus vigoureux. Par exemple, il y a une expression que j'aime bien, c'est nabu nabu naba. Quand on ne connaît rien d'un domaine, on dit, ou quelqu'un qui ne connaît rien de quelque chose, on dit noir nabu naba. Hein, donc B-U et B-A, hein, bien sûr le début de la lecture. Hein. Et Noir Nabu Naba. Jean-Pierre Guader aime bien dire ça, hein. Nabu Naba. Voilà. Je crois que c'est avec lui que j'avais entendu ça la première fois. Alors, il y a beaucoup d'expressions comme ça, par exemple, Nagedos Nagebel, ni de près ni de loin, hein, quand on veut dire que quelque chose n'a rien à voir avec une autre chose. Donc ça mute aussi après Nag. Ah oui, ouais, ouais. Alors là, en fait, Nag, c'est parce que il y a A derrière, donc le na devient un G, quoi. Non, en fait, na devient nag. On ajoute un nag pour faire la liaison. Hein. C'est pas vraiment une mutation, c'est une euphonie, en fait. Hein. Voilà. On trouve ça aussi, par exemple, quand on va dire nagevidawar nagevideran, ni pour de l'or, ni pour de l'argent. On trouve ça dans les chansons, souvent. Hein, par exemple, une jeune fille qui refuse tout compromis, même ni pour l'or ni pour l'argent. Hein. Mais il faut passer devant le prêtre pour être mariée, voilà, avant de toute autre forme de compromis. Voilà. Nagazi nagalerel, ni là, ni ici, ni ailleurs. Ça, c'est par exemple, on trouve ça dans la formule qui permettait de discompter les verrues. Hein. Tiercuit, n'est que d'azé de mandalère, nagazé, nagleplère. Oh, bah, j'ai du mal à la dire ce matin. Hein, tiercuit, hein, va-t'en, n'est que d'azé mandalère, ce n'est pas là ta place, nagazé, nagneblère, ni là, ni ailleurs. Hein. Voilà. Donc, formule pour, qui était employée par une dame de Pommerite qui s'appelait Mathurine, là, Maturin Hawk, qui faisait partir comme ça les verrues. Et c'était absolument imparable. Les verrues disparaissaient quelques jours après, quoi. Par exemple, on va trouver encore Nalon Nadin, Noaenon. Pour un endroit désert, hein, il n'y avait ni personne, ni être humain, ni bête. Hein. Nalon Nadin, Noaenon. On trouve ça dans les récits, dans les contes. Hein. Par exemple, quelqu'un qui arrive dans un endroit désert, Nadin, Nalon, hein, personne. Voilà. Il y a aussi dans une chanson que tu dois connaître, Martelo Yowang, hein, Mizu Martelo Yowang, Tistreides en armée, Nemeznati Nagwele, dont Vilons te gousquet. Je n'ai ni maison ni lit pour aller ce soir dormir. Donc c'est le matelot qui arrive chez lui, qui rentre chez lui le soir du mariage de sa femme. Voilà. 7 ans après, quoi. Voilà, et ça se passe. Pas trop tard, parce que selon les lois de l'Église, c'est le premier qui a priorité. Donc la morale est respectée, et donc c'est le premier qui reprend sa place, et tant pis pour l'autre. C'est bien qui finit bien, c'est ça. Automatiquement, le mariage du second est annulé, quoi. Voilà, il n'a pas eu de chance, celui-là. Et on dit qu'il est rentré chez lui, velo hos kas fouetet, comme un chat battu, quoi, en fait, voilà. Voilà. Et le Martelo Yowang a retrouvé sa place. Voilà. Eh ben, mordez vite et chui. Merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brison Nectan Matan. Oui, alors aujourd'hui, on va repartir un petit peu sur un regard sur Zanto, qu'on fait ça de temps en temps. Et c'est Morgane qui va faire cette présentation. Alors, Zel war Zantolek. Zantolek a zo ar barouz de Skreisbreiz. War dro triran adud a zo chom ba Zantolek. Ba barouz Zantolek a zo ar bourg a dek gerianen. War en kalak eman ker markal, ker uel, a ker izel. Ba ker izel a zo ar chapel gwan, chapel zantern. Bakar Markal a zo ar vilin, hag ur stank, warren zan Nicolas eman Kermark, Kerplouz, a Kermene. Warren Rostren eman Kervern, a Rosker, Kerneve, a Kerblei. En tual dar Blavez eman Parouz Plouderien. Ba bourg zan Tolek eve kavet un tiker, un iliz, ur skol, a ren verziau, a gosteleri fanchpen kwat. Ba kreiz ar bourg eman plas en ar bourg vel just. Job ne delek, a zo bet meskol pat pel. Vraiment, et m'en voir il éve. Mais de calz a droit, Oara. Hein? Et président qu'évredigues blenius en tolec. A guillé président arskipaï mel droite, maïn et délec et ivrec. Noblentalec a renan en dû arascol vraiment bas en tolec. Jean Loubris et ar marshal. Dressant ara yé arveloyou, aganotoyou, arvechou. Sois et ivrec. Lou kermene et arbaraer. Ivrec, maï kermene, azoet da veres, pemblasso. Pierre ma guichère et oua mer roc. Bakar marcal et ma au chaume gan ivrec, rosa. Henri Guilcher, ma mère cos, azo laboureur douar, bakar marcal. Iwa andin et achiga. Hélène et ivrec. André Gac de Skerverne et président d'Arvoulistet, kevrediges boulouz en tolk. Lou Guyader de Skerneve et président club Arégos, plijadur à Quarante. Iwa andu et arperson. Fanch penquat et peau dans nostalerie à zone ertrangeon gaulier. Calz a dut aux rois aux chaumes basantolec. Ma peusroine d'un aouné, chilaouet bemzun, enterbrezonec. Alors Henri, on reprend ? Oui, d'accord. Voilà. La présentation de Zantolec, parce que ça fait du bien des fois de représenter. Oui, puis il y a des gens qui commencent à écouter, alors tout le temps, il y a de nouveaux qui arrivent. Bah oui. Et puis maintenant qu'on sait où c'est, puisqu'on a vu à la télé dans le film de Sébastien Mathieu, exactement l'endroit où est Zantolec. Oui, on a vu l'endroit, oui. Oui. Alors, Urzel ou Arzantolec ? Voilà, un regard sur Zantolec. Zantolec a zoar barous de Skreisbreis. Voilà, c'est une commune du centre-Bretagne. Wardro triron adud a zo chom ba Zantolec. Donc il y a environ 300 personnes qui habitent à Zantolec. Ma barous Zantolec a zoar bourg a dek Geriaden. Oui, donc dans la commune de Zantolec, il y a le bourg et 10 villages. Des villages au sens ici, hein, parce qu'ailleurs on appelle ça des hameaux. Mmh. Mais ici c'est des villages. Ma barous Zantolec. Warren Calac et Manquer Marcal, Keruel à Kérizel. Voilà, donc sur les villages de la route de Calac. Bah, Kérizel, Azor, Chapelle Gouande, Chapelle Zanterne. Voilà, donc à Kérizel, il y a une belle chapelle, la chapelle de Saint-Ernin, où on va régulièrement. Bah, Carmarcal, Azor, Villine à Gerstank. Donc à Carmarcal, il y a un moulin et un étang, ça va ensemble aussi. Warren Saint-Nicolas et Manquer Marc, Kerplouz à Kerméné. Voilà, les villages sur la route de Saint-Nicolas, du Pelem. Ouais. Warren Rostron et mon Kerverne à Rosker, Kernévé à Kerblay. Voilà, une route aussi pour aller à Rostronin. Vous voyez, c'est le centre du Kreisbreis. Mais voilà. Et tu as le Dar Blavès et mon Parous Plouderien. Voilà, de l'autre côté du Blavet, il y a la commune de Plouderien. Qui est moins belle. Hein? Oh non, c'est pas mal aussi. Mais il y a une bonne équipe de foot, par il y a une bonne équipe de foot. Oui. Ma bourgeoise de Tolèque et Vécavet, un Ticker, un Ilis, un Skoll. À Renverzio, à Gostaleri, Fanchpenquat. Voilà, tout ce qu'on trouve, hein, l'église, la mairie, et puis le bistrot aussi. Quoi. Et les commerces. Bah, Kreis Arbourg et mon place en Arbourg. Voilà, donc au centre du bourg, il y a la place du bourg, bien sûr. Job Nedelec, Azobet Meskoul, pas de pelle. Oui, alors Job Nedelec, c'est l'ancien instituteur, hein, et qui fait beaucoup de choses. Voilà. Vraiment, aimant voir il élevé, mais... Calzadraouara. Voilà, maintenant il est en retraite, mais il fait beaucoup de choses. Ouais. Et président de Kevridiges Blenius en Tolec, a givé président Arskipaï Mel Droite. Donc il est président de l'association Blenius en Tolec, qui est association culturelle et d'animation, et aussi il est président de l'équipe de football. Maïne Delec et Ivrek. Et voilà, et sa femme, qui était aussi institutrice, c'est Maïne Delec. Noël Talek a Renan Andu, Arascol, Brément ou Bazantol. Alors les instituteurs actuels, c'est Noël Talek et Renan Ledu. Jean-Louis Brise et un Marshal. Alors Jean-Louis Brise, c'est le maréchal Ferrand. Tressant Ara, Yé, Arveloyo, Agotoyo, Arvechou. Oui, alors il répare aussi les vélos et puis parfois les voitures, hein, quand il n'y a pas trop d'électronique embarquée. Il aime pas ça. Voilà. Soise et Ivrek. Soise, c'est sa femme. Louis Kermene et Arbaraer. Alors, Louis Kermene, c'est le boulanger. Voilà. Ivrek, Mike Kermene, Azoet de VRS, Pemplasso. Voilà, donc sa femme, hein, Mike Kermene, est allée mère, hein, si on dit Zoet de VRS, hein, en breton on dit ça comme ça, donc est allée mère il y a 5 ans maintenant. Et c'est pas sûr qu'elle se représente, si. Ah ben, on sait pas encore. Parce que ça approche les élections. Ça approche, hein, 2014, oui. On n'en parle pas encore. Non. Pierre Maguichère et Armand. Voilà. Pierre Maguichère et Armer Roc. Et voilà. Wamer Roc. Ouais, Pierre Maguichère, c'est l'ancien maire. Mercos, comme on dit en breton. Bah, Carmacal est mon chôme, Ganivrec Rosa. Donc il habite à Carmacal avec sa femme Rosa. Henri Guilcher, Maba Mercos, Azo Laboureur Douar, Bar Carmacal. Ouais, alors donc son fils, hein, a repris l'exploitation, en fait, à Carmacal. ils vont en dinf et à rigueur. Et l'aîné ivrec. Voilà, lui c'est le boucher. Hein, il y a tout à Zanto, donc c'est formidable. Voilà. Et Hélène, c'est sa femme. Hélène, c'est sa femme, oui. André Gac de Skerverne est président d'Arvoulistet, qui est Rodriguez Boulouzanto. Oui, alors lui, il est président des Boulistes. Hein. Arvoulistes dans breton, parce qu'il y a une mutation, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas par ou. Donc on dit Arvoulistet. Donc lui, on l'entend de temps en temps, il vient parler des concours de boules et des choses comme ça. Voilà. On ne l'entend pas souvent. Pas souvent. Non, c'est pas un bavard. Louis Guyader de Skernévé est président de Cleur à Barégos, puis Jadur à Carenté. Lui, c'est le président des anciens. Hein, plus j'allure à 40, c'est un joli nom. Ah oui, voilà. Iwan Ndu, Arperson. Iwan Ndu, c'est le recteur, hein, depuis 30 ans. Fanch Penquat. Oh, celui-là restera là. Voilà, et Pau d'un Astaléry, à Zonert en Jeune Gaulle. Alors, Fanch Penquat, c'est un autre personnage, c'est le gars du bistrot, et qui est sonneur de clarinette aussi. Ça va bien ensemble. Calza Ndu, d'Azokroas, au Chombe, à Zantol. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui habitent à Zantol. Ils sont 300, alors. Voilà, on peut se rendre dans Naouné. Chilaouet Bebzun, Hénor Brezondek. Voilà, alors si vous voulez les connaître, écoutez chaque semaine Hénor Brezondek. Et ben voilà, on termine là-dessus et on passe à Petra Zonevervo. Troisième partie d'émission, Petra Zonevervo, Eri. Petra Zonevervo, calze draw et vel juste, boerve je dis aux hommes. Krogom de dianton vel custum grandola bourdoua, agarvu et oa armez. Babla de zone de viltrisek, ne vaut que de votadegou vide tout d'un dut, mais vide labourer yon douar, vaut votadegou. Votagedegou et vide comchou et la bourdoua, galak chambre d'agriculture. Ag bebrouer la vegretze, hein, vota dégou, et vide casse tut de gamp, tut d'ilenet, hein, gande labourer yon douar. Ag ne que war gande labourer yon douar, mais quand tu d'el, hein, plus dur, zo dégrumad au votant, hein, des collèges el velard in galak. Hein. Ag vota dégou ze vogret, ba misjen ver do viltrisek, adrelisa. Neiz eus eus weire eo vo gwaret gant piouhe d'ar maout hag piouhe de kamel ar bourdouar. A oal ar ze vo dilen de tud vi mont ba kamchou randvro, a ze velar de chambre régionale. A oal ar vo dilen de tud oaz vi mont de gamb vi de broha le bez ve get de ze APCA. Hag a ze vo chanche de ur président zur oar et Guy Vasseur bremañ oaz. Bon, ur mar emañ ve gret kalz de brudereuz e ve just e vin michir yo ela bour douar. Pe dur ve klaske tud de la bourad war un dachenze ou un dro de la bour douar hag un ekedez kav ou tud de la bourad war ar mez. A klas zo i ve de gad tudio ang an stalian war e fermio. E breiz gant per departement pe lar in mod, hein, ne ke breiz bez, e zo daugen mil ferm Hudundi, hag tost nant ur voli ben diglam, a red katu de vil just evit hatapune. Hag azin, kom labour douar herpet gant un FNSEA, hag gant labourer yon douar yaouan, neus gret bruderez vidze, neus gret ur zun vid un truskas, ze oa un galag la semaine de la transmission. Bon, hag zezo kom ze kalz de spes a mod vefe be moyen de gratu diowang de dapo fermio. Dans mon temps, vraiment, war d'achen un endro. Be pla vraiment boeve, oa be de nem vod bras, ba rio, aze, ve gred o nem vod bras, war ar bit, un dro d'ur skeul amzan, pez ve l'ar de lima galag. Hag blam oa e be gred ze, ba doa, eus ezo ba bro katar, comme je vais calz de hatar en marément ag do han bros au zo bit bode da vite comme de zer skel amzor bon bit a vraiment j'ai ne gervis que de calz drame jiwas met bon mon oreille ma 13 norvich penek en tro warok bene blam zan ma 13 vos gret ba paris a pv comme de ze skel amzor jusement ou a beskrive de ba blado vilper lever gan le roi la durie asé an de vie de comme de histoire ce que l'amzer histoire du climat agarz ve gwel don temps pis sa mode wabe de ce que l'amzer là en de ville lasso avec avel blavezio a vigé tom tré blavezio avec yin tré da square au million de dut wabe là de gonne yinder hein ba blavez mille roi country ze gaper ugena 1693 galag. A oa be l'ar de wardro o million de dut gant e yinich. Hag ba bla 1690 oa be l'ar de 50.000 gant un dom d'or. Oa le rez o bet der mod, tro sors. Bon, me bremañ me meustra zo kudenou gant ur skeul amzer putur zo re ezen ou vel ur CO2 vel ar de nezen karbonek, a zira vel on tigwer an drone ur bet, a setu tom tam atam, dom tam atam ur skeul amzer. Bon, gwell vo pe sa mod vo kon. Bon, wardach en ur politike, rez ar ne larink kalz dra ur vejman, ne gomzin ket ar deus jej bletr e notro fillon hag notro kopé, na deus troio ker DSK, zezo evit on mi, zezo politikach ou roariou evit de Jacobine hag vit breiz an meneus ket kalz dra de rotas de student traouz. Setu pe reng de gomzin ket ar deus pez veklet ba media yo braz. Wardach en ekonomi ez bremañ, kom ze ve kalz ar mareman deus min graen breiz. A peu dur min graen breiz, bon, men gleuz yo zo, me jiwaz deus kalz blas ou vedias en men graen, jonge peus pe moa kom ze deus labour yo vid ar tram ba Brest, oa dias de men graen deus brochina, bon, un tamm pe bler ve dias traou deus men graen deus Spagne pe deus Portugal, hag vek din plijen de men graen zo bavro. Me meus tra, meus klev el ard, ne vezo ba gwen gamp, un dro de un tigar vo gred labourio a vo in plijen men graen deus evro. A zezo un dra vat. Vezenan zo reblijtin kom star de stud evro, un DL oa bet de inor ba kalak Daniel Bercot, vi de labour an eus gret, en up d'ur lev de mucoviscidoz, dreistol gant ur redadeg zo handvet PLB, pe Pierre Le Bigot ma peswant. Hag handvet ebet marag ur strol a dinor, da la rade a galag vlour, chevalier de la Légion d'honneur. Hag a zezon dravad, vitan. War an da chenel, ur plar a zo handavet mod ba rostren, a tro war dro, an eus bet ur medal an erhan an duristeles, honze maimadan an ur baker, hag an eus labour e kaz war glad e vro, a skrivel o bern trau ben ur gelaouen e oa meniatut. Bon, kom zo mont tamm bremañ deus zevena du revro. Vezen amzer e gont an dar deus e galaouek, yez bro uel, breiz uel pe lar in mat, galak vel ar ze galo, hag nevesoz o bedin bande de o lever skrivet gant Michel a Claude Bourrel, hag eus o haunet le galo denaché. de la redi or galoeg dinas ket vefe belar de moez anek hag arvekav kalz draou fentus a kunigen ou a galoeg a traou fentus en drou d'or galoeg hag a zezo war a lever zezo tresaden ou zo gret gant gant nono a zo hanav en mat o lever el zo bet im ban en eus ke gwal belzo gant penadou vi jeskrivet gant job jafri bas a gazet en la liberté du Morbihan hag penad ouze vi j'ai l'arad e trezon me brezon neug hag plus justré e l'en job jafre e fent usé a skrive le brezon neug matre gant on tamp pouez gwenedeg hag zo bra de l'en bon un draze zo im banet gant emgleve norian Alice gant an dar deus tro koz an tamm vel buer zen hag an me mambe de his vis kwaz de skriv an tro war ze hag an den yaoong ar an war anket hag en yaoong met meus ke vekle vet komz deus an rog hag an se lak an an yaoong vulub giou an eus krog de skriv o tro war buer zen dis hag evit ar vestien lever tient an e buez an genole Bon, zezo bet imbanet gant un imbanadur yo dialogue. On den a zo an arven mad, Ive e Hervé Losek, deus bet skriven de lever yo di war ben un troio lavar gal hag zo levezon de gant un brezon, bretonisme vel vela, hag bremant deus imbanet o lever el oaz, a zo hanvet madou e biniget. Hag vel war a lever le galo de nache zo skedeno gret gant nono. Bon, hendel, evi kloz am me dam kont, am han de gomt l'artar, zo wart peus klev ed l'art de waed ur fez noz ba glad ur bet, gant en UNESCO, hag bon zez on dravad, vid de rein de stourm et vise, a de diant an tout d'astum, Mais de ces voix radcombes de leur végel, ou bien trop de la voir, c'est tu rendes des chuivis, Hudu.